não vai durar. Porque... A Ausbidem, a gente não te leva mais, mas não você leva assim. Você leva lá na عن أنس بن مالك رضي الله أنه قال لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينعيانكم عن لهوم أمور أهليته فإنه أمور لحوم الحمور الأهلية أمور أهليته فإنه رجس فإنها رجس متفق عليه وعن عمر بن خارج رضي الله تعالى أنه قال عمرو بن خارج رضي الله تعالى أنه قال رضي الله تعالى عنه قال ختبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولهابها يسل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين عبد العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaw biñu sante yalla jul ci nabi sallallahu alaihi wasallam lo moy sanabi ah ginnaw biñu sante yalla jul ci nabi sallallahu alaihi wasallam kon xamna ñu yegg la inshallah ci si nga xamne mom la ñewon ci jangum hadith ñi ñewon kon ci ñaar fukki hadith ak ñaar fukki hadith ak ñen kat 23 أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وقال وصححه حديث حسن صحيح ما وصححه الإمام الحافظ بن رحمة الله عليه لا تأطهر كن حديث بجكبي تلن يكون تمام عن ال وعنه جل من ثم باتي وسنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لفحنا قد لما كان لما فهمنا كان نكون يوم خيبر خيبر أمر دجلنا رسول الله دوال يالله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه فنادى مدادي وات أن الله أنك يالله ورسوله أقدام يالله أقدام لي صلى الله عليه وسلم yanna yanikum ñom ñing leen di téré an lahumi ti ndawalu al humur mbam al ahliyati ko ju keri mbam sa fi fa innaha ndax mom day rit sun sobela muttafaqun alayhi manam hadith bi depp na ñom ñaar ci solo wa an manam imam al bukhari ak muslim rahmatullah alayhima وعن عمرو بن خارجة صلى الله عليه وسلم عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال نينا لأنه نموك قال نينا lamma ba nga xamne kan nekkon na manu deet khatabana khutbal nañu rasulullah dawal yalla li sallallahu alaihi wasallam bi minan chamina yo bisu tobaski wo huwa te mom fek yente bi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi mi ngi ci kaw war wayam manam ci kaw gellem gi walu abuha te tuflitam manam tuflitum war way gi wa yasilu ma ngay rot ala katfaya sama mbag ni rot sama mi ngi wal yasilu ma mi ngi wal ala katfaya ci sama mbag muttafaqun alayhi manam astaghfirullah akhra jo ahmad al imam ahmad ibn hanbal rahmahullah moko solo ak wa at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi rahmahullah ta'ala wa sahhahahu imam at-tirmidhi tam dako weral wala ndax na hada hadith hasan sahih ala kulli hal te ki bob dinañ ci ñew inshallah ci jotay bi di ñew inshallah wala suñ jotay bi kon ñu yeggal ak ñamon ci ñam ci sharh baatu hadith bi nga xamne mom moy bu ñeek bi té mom waxon nañ légui mu né gisoon nañu parti bi nga xamne daf né waanu jël nañ ci mom radiyallahu anhu radiyallahu gërum allah radiyallahu anhu ci mom anna waqala né dafa wax né lamma kana bamu nekk yow ma xey ba nga xamantene ñewon na amon na xewon na yow ma xey bar bis xew xew xeyba amara dafa digël rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam abatal hatar radiyallahu ta'ala anhu ba fofu la jëmon ndax gisoon nañ ci jotay bi wessu tarjuma han sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala anhu ci lañu ki won ci jotay bi wessu danaka ci lañ nekkon sax ci jotay bi legui kon ñu yex ci ñu legui nak ci ana lan la ko digal bi mu waxe sayyidna abu talha radiyallahu anhu buñu xolé le fait que yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala anhu ci bir sahaba yu bari parce que en fait dañu jappone ay mbam bon xew xew bi moy ñom dañu jappone ay mbam biñu jappé ay mbam sauf manam ci Khaybar lañ leen amé won ci allu Khaybar bi manam ci biir butin yi la bokkon ci butin de guerre bi la bokkon bañ leen ñëwé nak légui ñu dañu xifoon motax am ku ñew ni yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mbami de ñi ngi leen di lek de yenen te bi sallallahu alayhi wasallam waxul dara comme niñ ko gisee won ci début hadith bi am keneen ku ñew ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mbam yaangi jeex le manam kon d'ailleurs loolu bokku na ci li tax mu am ci bir comme niko imam al-bukhari rahmahullahu ta'ala solo ye ci bir sahab ci bir surtout tabi'ine manam surtout wala ñu wouté manam ci génération bobu ñu wouté lan mom mo wara tax yent manam yent bi sallallahu alayhi wasallam téré ñu lek yap mbam seuf manam mbam seuf amma taxantal wouté bi ak lan mo waral lola ak acte yi ci aju di len ko gis bu ñek ci masala yi nek ci hadith inshallah waye fi dañuy wax rek ci li nga xamne mom mo aju ci li nek li tax manam li nga xamantene mom moy terre bi ak circonstances motax kon bokku na ci li ñu wuté moy ne bokku na ci raison yi ñu joxe moy ne mbir mi kat c'est que buñu lekke mbam so fi gaay dot amati war way wala bok que ni mbir mi dafa fekkone ne mu nek butin de guerre motax et que butin de guerre bi kenn sédde len ko won lool mom motax donc motax ku melni ibn abbas radhiyallahu anhu don ci ben jamono mu bok ci ñi nga xamantene dañ doon wax ne yap mbam sof manam haramut cause bi nga xamne mom mo taxone rek mom lañ ko haramale te mom moy ne dañ doon bañ mu ne xawmu mo sax ndax dañuy bañ ki jeexola mbam yi jeexola wala te nit ñi boowa doon ñu amati luñu war wala manam kon samonté ak arté bobu voilà voilà wa et puis pas extinction totale même de la race mais que nit ñi dootu ñu ko mëna dootu ñu ci mëna wax dootu ñu amatu lu ñu wax mais bon ala kula hal sujou ki bobu ta ki bobu dinañ ko gis inshallah mais lay ki bobu non argument bobu deugul du tax parce que tout simplement face mo ëpp li ñi wax voilà té face téré wuñu voilà donc kon inshallah taala mais dal ci circonstances yi la amé la xew xew bi amé bi ñëwé nak né yéne bi sallalahu alayhi wasallam ah problème amna dé ndax gaay mbam yaangi jeex dé ñu né ah mu né nak ci la woyé sayyidna abu talha radhiyallahu anhu mu dem gis ci gaay ni manam ndax xam nga guerre gaay bu ñu da nekké ci guerre dañuy def koy genre campement non manam ñoom ñëpp da nañu dajalo fenn ni rek manam mu nekk benn buru mbolo mu bari bari ñuy tok ñi régler sen dañ ta def ay quelques campement ni ay par groupe fi par groupe fi par groupe fi légi nak ñu daan togg dañu nekkon di togg jour bobu togg nañ ba affaire yu danaka di waja ñor voilà ba té amuñu won leneen luñu lek aussi lool rek lañ amon lool rek lañ yoron légi nak mu wo sayyidna abu talha radhiyallahu anhu pour mu woté gis nga fa amara rasulullah amara mu digal nak rasulullah ndawali allah sallallahu alayhi wasallam abu talha sayyidna abu talha radhiyallahu anhu fa nada mu dadi woté li tax nak mu tan sayyidna abu talha radhiyallahu anhu ci bir sahaba yeb mom moy ne dafa nekkon ko xamantene comme niñ ko gisse ci tarjuma bi mais kaddom dafa dan jëm kaw comme lim wax la sawtu abu talha fi jaysh ashadu min fi'a manam kaddu abu talha radhiyallahu anhu amna ci benen riwaya parce que hadith bo mi ci sunna ki musnad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah amna ci benen riwaya bu nan fil mushrikina manam ci bir yifiri manam bu ñeké ci yifiri sayyidna abu talha radhiyallahu anhu manam ak kaddom mo gëna manam mo gëna tar manam mo dakk titalaxé mo dakk yobbu fitu yifiri ke manam groupe bu lemb bolo voilà manam kon mom manam ab jambar la won dal manam gir yele won wala jambaru xare la won wala dafa wala dafa bokon sax ci roumat yi nga xamantene ñom manam ay sami kat xej lañ mom ci ñoon la bokon kon legi mom le fait que ba kaddom yekiti ku won lool mom mo taxone yantibi sallallahu alayhi wa sallam tan nako neko demal nga wote bi mu wote nak mu dali ñew mu ne lan la wax mu ne inna allah gis nga motax njangin mi mën na nek ñaar manam inna allah wa rasuluhu yanhayanikum ak anna allah wa rasuluhu yanhayanikum budé annabi mom day tafsir ya la manam mom moy ne annabi manam moy day wax ne li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala murmu wote ko moy anna allah naka yalla waras moy ne yalla warasul ak ndawal mi sallallahu alayhi wasallam yan yanikum ñum leen di tere am loxom samul ahiyya ci laaju ci mbam sauf kanta inna allah bulul maram lan la bind anna allah wala bude inna allah c'est comme si day da fay def comme si ne da han yow bob inna allah nga yor wala gis na inna allah la yor wala wala ala kulli hal ñaar yi manam budé inna allah limi tek moy ne keni ñom ñaar manam keni inna allah an inna allah wa rasuluhu manam kon c'est comme si dafa né fa nada mu dadi wote dal def deux points dal ni inna allah wa rasuluhu na inna allah moy nak yalla wa rasuluhu allah salam donc mais nida gogou moy nada dafa wote nada terme la bo xamantene buñ koy jëfëndiko dañ koy jëfëndiko ci lu sori manam batu an nidaa'u wote motax même al azan noddu ñukoy wax tamit an nidaa'u wala iza sami'tum an nidaa'a faqulu mithla ma qala al mu'adhdhib comme li hadith bi wax bo leen déggé wote gi manam moy noddu gi na ngeen gis nga même wolof baat bobu la jël noddu wala nidaa wala ke bo len degge noddu bi ngi nga nidaa'u moy wote buñ xolé ñaan ñaan ñaari façon la dafa am bu ñëk bi moy an nidaa'u am benen bi ñuy tuddé al munajat an nidaa'u moy ma wo manam bu may ñaan yalla diko wo na même ci manam doa lepp doa'u la moy invocation mais dafa am benn moy interpellation am nida moy inter koku da ngay wax yalla may ma nangam mam nga wax ci kaw alors que bu ne munajatu manam diyalé la c'est à dire que entretien intime la un diyalé la donc ñaar yoy fofu motax lolu mo len woutale legui nak manam pour donc an nadwatu manam mom moy ap assemblée moy assemblée manam fi nga xamantene fa lañuy woté ngir pinch mi wala moy pinch mi manam nga xamne buñu woté ni lool moy an nadwatu wa mo tax gaay ni nan daaru nadwa manam fañ daan kër go ngeen daan woté ngir mën fa def sen assemblée yi manam amna nuñ koy tuddé jamono conseil de sécurité wala moy daaru nadwa wala conseil de sécurité da xam nga gaay dañu woté ñepp ñew manam nga gis na baat yi ci nada la jogu même yent Allah Musa alayhi salatu gis nga fa nada na hu min jani bi turil aymana gis nga ñu woko fa nada na hu ayya Musa in anni ana Allah gis nga manam dañ ko wo yent Allah Musa alayhi salatu gis nga bimu démé ci ci rombu tour le mont Sinai montagne bobu de nga ci lañ ko wowe mu ne ci ci walu montagne bi gis nga kon nga gis ne manam boba dafa jek deg manam deg melni nada lol la moy lu sori luy wax ak mom lol moy nada fa nada na kon min jani bi turul ay mani ba fere mu tek ci ne wa qarrabnahu najiya gis nga mi dal koy jegeñal nak legi ginnaw bañ ko wowe ba fere nak ba mu ñew mu ne wa qarrabnahu ñu jegeñal ko najiya di aji deyale mom cette fois ci ñu wax ak mom manam en un entretien intime. Voilà, un entretien intime. Donc, à la coule de l'eau, avec l'outil de l'eau, je ne sais pas ce que je veux dire, il faut que, pour vous, il faut que vous parliez de la vie. Il faut que vous ne vous parliez pas de la vie. Il faut que vous ne vous parliez pas de la vie. Al-Munadi, moy aji wote ji ki wote moy def nada manam moy wote mom nak buy wote day sori manam motax ñu bo xolé même buñ koy firi manam yuuxu kat lañ wax ku yuuxu wala ku wote wala crieur interpelleur voilà donc nada moy crier interpeller interpellation moy nada donc mu woko légui nak Sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu mom dafa woté manam lol kon dañ ci xamé ni fi mu nekkon ak fi nga xamantene mom la doon wax ak gaay manam nekkul demul rek fenn kenn ku ci nek mu dem wax ak yow ne ko ah saay gaay ye ngeen li xaw yent bi de sallallahu alayhi wasallam neena nangam daal dem ci gaay yent bi de neena nang deful lol fi mu taxaw la taxaw mbolom yep diko deg mu daal di woté benn woté woté bobu mom la ñep deg té xolal subhanallah noddu bimu wacce hadithu abdullah ibn zayd ibn abd rabbih radiyallahu anhu moy bimu ñewé ne dafa gënt noddu ba daw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ko mu wax sayyidina bilal daf ni nañ wo bilal mais lan la ci daf ni huwa andalaka sawtan mom moy ki nga xamantene mom mo la gëna anda gis nga anda superlatif la ci nada ci an nidaa'u manam an da manam mo daqa wote manam kaddom mo geuna yikitiku ke sa boss lolu mu tan sayyidina bilal radiyallahu ta'ala anhu dako tanon ci critère bobu ke ni batam mo geunona yikitiku mais yamul won ci geuna yikitiku mais aussi mo geunona approprier ci noddu mo geunona neex ci noddu tamit. Voilà. Lolu day dajji nak ben wax wala ñaar sax. Day dajji ñaari wax. Bu ñëk bi mom moy wax di ñuy wax ne ala kulli hal manam ne sayyidina bilal radiyallahu ta'ala anhu munul won wax masalan shim nana bu da wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu al ashhadu wallahi ba ñu ne yentibi sallallahu alayhi biko gaay di reetane yentibi sallallahu alayhi wasallam ne si sinu bilal inda la shim nan sin bi bilal di wax fa yalla shil ah lolu wax ji da koy dajje parce que lutax tout simplement manam en dehors du fait que wax ji ci jëmmé bopam saxul manam en dehors du fait que wax ji wërul mais rien que li rek da ko dajje manam même wax joju su wërul say manam su wërul ci walu cialale manam ci côté isnad mu deugar li da koy dajje ndax sayyidina bilal radiyallahu ta'ala anhu bu fekkonté né mu du mëna prononcer mbiri entre prononcer mbir mu leer nga wax ko pour nit ñi dégg baat yi ngay wax ak tout le sens bi mu englobé ak tamen yegiti baat kessé beul mom mo upp doole manam yéne bi sallallahu alayhi wasallam samonté wul kessé ak baat bu for kessé dédét dafa samonté d'abord manam c'est à dire que bu fekkenté né forme bi mi ngi fi té fond bi néwu fi xam ngeen ni lool yéne bi sallallahu alayhi wasallam du samonté ak lool voilà manam du samonté ak forme kessé té fond bi dara yi fond néwu fi voilà manam kon bu fekkenté né dafa samonté ak fond bi après mu samonté ak forme bi ci bir forme bi mu samonté ak forme bi gëna kawé parce que su fekkonté né loolu rek mu mo gënonu yikiti ko comme sayyidna bilal radhiyallahu ta'ala yéne bi sallallahu alayhi wasallam buy tan ci kan moy noddu Seyna Abu Talha lay tan radiyallahu anhu parce que mom mi ngi fi wax mais le fait que mu tan Seyna Bilal radiyallahu ta'ala anhu moy wone ni Seyna Bilal manam batam yamul won rek ci gëna yikitiku ndax Seyna Abu Talha radiyallahu anhu mo gëna yikitiku bat motax fi nga xamantene manam nodd dafa jar neexal bat bi ci dess num tuddu wote bi ni bi jarul neexal bat dafa tan fi nga xamantene jarul neexal ba dafa tan ki gëna kawéne ba kess fi nga xamantene jar na neexal ba mu tan non seulement ki nga xamantene ci biir ni kawéle ba mu tan ke te gëna neex ba te gën ci wala manam gën ci rafet la nim koy waxe motax mu ne jangal ko bilal radiyallahu anhu ndax mo la gëna yekiti ku nekkat wala motax mu ne kon mu azdinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dan noddal yentibi sallallahu alayhi wa sallam ba bimu genné aduna dafa dem sham mais mom dotul nodalati kenen kudul yantik sallallahu alayhi wa sallam wala bimu delu se madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam tek yantik sallallahu alayhi wa sallam feni won ko nako bila dang ma bayi de wala la dela am legge yentou mo ne ko mu dal xey dem bu mu deme ñu nodd loxo bi mu nodde non mais madinatu munawwara yeb ñepp don joy jour bobu ndax fatlikou jamono yentou bi sallallahu alayhi wasallam wala la dela ta'ala anhu arda hon nabiy kon lool moy benn mbir bi mu ñëk dajj benen mbir bi mu ñëk bi mu dajj moy qissa biñu maté 40 Seydina Omar radiyallahu anhu biñu maté 40 am nañu fitu genn manifesté wu parce que légui Seydina Omar tout la ah ya ma shara Quraysh wala bo gaay li commencé nek ci sen choona yi problème yi dul jeex ñu commencé di gis ne risque bu mak mi ngi commencé am gaay yende bi sallalahu alayhi wasallam deng mission ba ngi commencé réussir ha gis nga gaay fi tol ñom Hamza la dara dal ñom duggu nañ ci l'islam ha et puis gaay dañu commencé mais vraiment légui ñu ngi commencé à bari tout etc fi ñu toge di réyo affaire bobu di xol nu ñuy gi rek ben way du gisi ne len ha wa gaay Quraysh non mu ne problème amul té dé ñu ne lan la xaw mu ne Omar ibn al-Khattab gaay nak téra sé wa fa radi Allah wala manam Seyna Omar dal bimu toubé ñom dañoo am lu ñëmé won moy dañoo ñëmé won genn dañoo ñëmé won nak légui commencé de manifester sen l'islam wala commencé genn mu nekk lo xamné dañ ko publiquement dañ ko ñëmé woné mais nodd mu amu ci comme li nga xamantene non lañ ko non la ko ñenn ci wa ahlu sir di netalé né dañ doon noddu dañ dem ci kaaba gi sayyidina bilal radhiyallahu anhu noddu nangam nangam wala mais bu da wala bok bu daan noddu da daan laqatu wala da daan jël am lu mu tek ci gemin gi ge de toute façon bo amé loy noddu am lo tek ci gemin gi tamit bu wéké ci digg kaaba gi nga ko défé té fofu lañ koy téré dañ lay dégg té dañ la musiba lool la donc amul sax wala amul manam et que c'est ñu gennu ci biti dem noddi jigu ci biti te moment bo waxuma la noddu mais julli ci jëmm bopp waccu gul won julli yi jurom yi yeen fa sam de bëggul won ragnandi bo xolal 6e année la ginnaw gadda yeen gi avant manam ginnaw mission prophétique 6e année bi la ci le sayyidna Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu tout diggu ci l'islam 6e année 10e année ci la ragnane 10e année ci la ragnane ci lañ ko jox julli xol gis nga ki bobu gab bobu bo bare yamul fofu mais gaay julli nañu ay at te nodduñu makka kenn noddu fa musuñu noddu makka après medina lañ dem biñ démé medina sul munawwara ala sakina abdul fatih salam kila sayyidna abdullah ibn zayd ibn abd rabbih radiyallahu anhu gimte ñuy noddu ñu ñewé net liko yentim sansam yentim sallallahu ne ko hada ru'yat haqq li gimte deug la parce que man mi la ko gisé ci asaman manam kon ndek de yentim sansam bi mi rañalé noddu doxale won nañ ko fa mais jangalewuko mune mi la ko gisé won ci asaman bi mu waxe nak sayyidna bilal radiyallahu anhu yek dug noddu ci la amé ci le sayyidna umar radiyallahu anhu ñew di diri lambayam manam ni mu lambayo ne ñew di daw ci ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam li gënt na ko man tamit il y a 3 jours nim gënt gi ci li mi baat yi mi gënt na ko il y a 3 jours wala mu gën ko saxal né effectivement li gën tu deug la ala kulli hal manam lolu de toute façon manam c'était juste pour wax né lolu ñuy netali lolu amul en fait amul wala amul mais amul xam nga lu siw ak lu am du wenn mais il y a tout parce que en fait c'est à dire que matériellement c'est pas possible voilà c'est à dire que une impossibilité matérielle chronologique c'est impossible voilà C'est une histoire mondiale, toute pièce d'une guerre. Mais c'est que, en fait, c'est que rigueur, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Sire, tu vois, si on ne le sait pas, il ne le sait pas. Dañu négligent c'est à dire que parce que yu bare bare yi nga xamantene dañ koy ki dañ ko doñu duñu samonté ak ben rigueur bi ci li ñu netali voilà apa ha ñu seen fallu ñu mais voilà mais sinon souvent ñi yëngatu ci walu sira duñu samonté ak yeen rigueur ci ni ñi netalé mais aussi mais c'est vrai que dafa am fumuy yegg manam day mujjé désolant en fait day dommage ça la dire que day am lo xamné chronologiquement man tane waru ñuko netal wala bok ñukoy préciser né ah gaay kat même boudé ñom diw ñi wala ñi wax nañ li wala am nañuy wax li lolu amul parce que tout simplement nangam manam pour établir chronologie mbir mi ak histoire mi nan la démé ak yoy xam nga sir tamit dafa bari lu mel non dafa bari lo xamantene ki da nan li la ki nan li la ki nan li la ki nan li la mais lolu non waru dugg ci yi nga xamantene manam waru te yegg ci niveau yi nga xamantene yoy quand même ay jangat yu bari da ci ne wala bok yuñ ci wara xamé yu bari da ci ne surtout ci yi nga xamantene dafa aju ci yentibi sallalahu alayhi wasallam directement lolu waru yegg fofu wala meun nañ ni par exemple wouté yi ñi wouté par exemple heure sangam la gané aduna ak jour sangam wala jour sangam la gané aduna mais ñepp xam nañ ni at sangam la amul fiir la moy année bi nga xamantene moy ane ñay wi moy xew bobu par exemple yoyu genre wouté lolu grawul parce que lolu question wu dat la rek ni mais xam nañ ni li la xam nañ tamit ne rabiul awwal ci la gané aduna moy le mois gam wéru gam ci la gané aduna mais ban jour la ci wéru lolu lañ wouté lolu tamit wouté bobu divergence bobu grawul ak yenen divergence yu mel non manam yi nga xamantene de cet ordre la voilà jour sangam la li xew wala jour sangam la lolou amul problème mais xew bi jëmi bopam waruñu ci waru manam war rigueur bi war na ci am xam voilà rigueur bi ci xew bi la wara aju mais budé ci ay question date bi ki yoy mais quant à comme genre yu melni yi day en fait non seulement dafa graw ci benen point moy de remettre en cause manam yenn vérité wala yenn vérité ndax leg comme par exemple genre melni ab shit par exemple shit su ko déggé da nan gaay mais non mais gaay faites attention là yeen li mo len di won ni yeen wa ahlus sunna liñ len di netal dara du ci deug xol rek ciow te nangam xol rek logiquement nangam après mom da koy dal def ben pol bu reuy reuy pour saxal mom ni mu nekk nan way yi ngeen di wax ci na Omar han adela an yoyu amul nangam xolal parce que yeen li ngeen di netale amul demi wu won non genre yoy par exemple voilà da ci jappé ni même manam kon li wa al sunna netale da amul té et cetera mais ala kulli hal min ci djublu won nak moy né que ni lool lan lool en gros dal manam matériellement ce n'est pas possible et que mais li gëna dommage lool li gëna dommage moy le fait que ñukoy netali sans même réfléchir ci né lool man tané lool moy li gëna dommage hein lool moy li gëna dommage encore ah moy ngeen né motax habitude bobu lool mo motax motax ci point bobu manam ñi yëngatu ci hadith ñoo ci gëna ki ñoo ci gëna mucc parce que ñom tout temps dañuy sét mbir mi diko sét diko ségg diko luñu di xol ba xam ba xam wax ji deugur na wala deugul matna baye xel wala matta baye xel voilà matna baye xel wala matta baye xel voilà moy comme micro trottoir bobu xawma ñan ñoko don def di lat di wax lo leen xalat ci bato bi nga xamantene mom moy daw Dakar Tambacounda nga gis ñuy commenter di kom wa Dakar Tamba gaay di commenter non lool mom initiative bu baax la lool mom vraiment gouvernement bi dañ ko ci sante lool mom vraiment manam nga gis ñuy commenter Dakar bato bi té le pire moy amna ko ci né mom dégg nako néna ah waaw bato Dakar Tambacounda waaw lool dégg nako mais nangam manam c'est à dire mais initiative bu baax la nangam manam dafa am yo xamantene matériellement da ngay xamni li man tane lool bokoy deg rek ni li man tane xam nga ko bo après bu jeex

Voilà donc voilà légui kon pour ñu revenir ci suñu kiwé ci suñu hadith bi voilà kon manam woté hein kon yoy la lambo manam voilà moy na dafa nada légui bimu woté mune Allah naka yalla wa rasuluhu ak ndawmi yalla Allah manam comme niñ ko xamé moy turu yalla yalla ci bopom xam nga bima ko waxé ni yalla kenn ku ci nek amna sa xel ci lu muy dem manam moy ki nga xamantene mom mo amal lepp mom mom moy ki amal amam amul fu mu tambale amul fu mu yam te mom mom mo amal yenen bir yeb mom moy ki nga xamantene moy ki mat ci seuk ci mbolam anam yi ba pare den ci mbolam wagne ko yi kokku buñ ne yalla rek hun nga xamne amam dafa war nek amam dafa jombu man tane kokku lolou buñ ne yalla rek xel yeb ci lolou ci kokku lay dem wala légi nak après yenen yi ci dess yoyu yenen yi taxanta la kon mune yalla wa rasuluhu ak ndawam le mais je l'ai dit tout à l'heure en disant que voilà c'est à dire que limi teki moy anallahu moy ne ke ni fanada dafa woté anallahu nekat yalla wa rasuluhu ak yenen sasam c'est à dire que le anna c'est comme si quelque chose qui explique de quoi s'agit-il c'est à dire que le, l'appel L'appel, c'est quoi? C'est le que en français. Voilà, c'est le que en français. C'est-à-dire que, voilà, a ordonné, ou voilà, à Abat al-Haradela wa ta'anou, qui appelle que. Voilà, voilà. Qui appelle en disant que. Hein? C'est en disant que. C'est le en disant que. Anna. En disant que. Hein? Quant à Boudon Inna, c'est. Donc, fof day am day men dafa budon en français dañuy def deux points avant qui appelle deux points certes ou bien en vérité voilà Allah voilà et son envoyé Allah salam parce que là ils ont deux points ah voilà voilà non non non bu ki nous do am deux points fof fof normalement do am deux points mais su don ki le day am moy am deux points voilà su dé inna fof lay amé deux points deng kon inna allah wa rasuluhu inna kon yalla ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad alayhi assalam yanhiyanikum c'est à dire manam moy ñi danan len téré hein voilà c'est à dire que donc yen hal moy terena manam budé kenn rek yen hal lañ wax budé féminin la tan hal lay wax légui ya bi ci téggu manam yen haya c'est à dire moy danañu len téré ñom ñaar manam téré nañ len c'est à dire que vous interdisez maintenant le kum bi nek ci ginnaw moy yim manam kon mom moy complément bi ñan lañu téré donc voilà dañu len téré kon kumbi moy yeen ni yi ñi téré yan haya mi moy ñangay téré ñom ñaar ñangay téré wala légui kon ñom ñaar ana lan lañ téré manam légui yan hayanikum baat bobu annahu la juggé xam nga gisoon nañ al amru waxon nañ hadith bi borom bi subhanahu wa ta'ala daf ci def tawfiq ci côté bob tawfiq bu yemi manam dafa am non seulement al amru mais dafa am an-nahy té ñom ñaar ñoy duality yi nga xamantene ñom ñaar dañuy and vont de père c'est-à-dire que ci usul usul fiq soy ñom ñaar lañuy dajalé ci même point moy moy le commandement et l'interdiction ñom ñaar lañuy dajalé et que ndigal gi lañuy jëk téré lañuy jëk traité diko léral ci téré usuli doga léral mbirum téré doga leral mbirum tere ndax lan ndax digel ndigel lu ko woutele tere len rek la moy ndigel dañ lay sakku nga def tere dañ lay sakku nga bayyi manam en d'autres termes tere moy dañ lay sakku li nga xamantene nekk go ci nga wuy ci ñak tiane manam kon en quelque sorte tere mom ndigal la buñ né la par exemple buul satch dañ lay téré satch instant bi satch yu dara mais dañ lay téré satch limi tek moy continuer ci ñaka satch gi nga nekké manam c'est comme si benen ordre la buñu hein lool mom motax biñu waxé ndigal ni istira'ul fi'l bil qawl 'ala jihati al-isti'la lool moy définition ndigal mais téré tamit lool la istida'a wa tarkul fi'l bil qawl 'ala jihati al-isti'la manam bo ben bat mo ci yok moy tark bay istida'a moy sakku giñi sakku moy astalab tarkul fi'l bayyi jëf bil qawl ci wax manam bayilo biñ lay bayilo ben jëf mais ci wax parce que amna ñaari façon bayilo la jëf bayilo nit jeuf dafa am ñaari façon dafa am bu ñëkk bi moy bi ni nga téré koko nako saay bu def nangam mais amna benen façon moy nga téré koko ci mom ci jëmmi bopam nga takko par exemple yéw ko du ko def wax ak jeuf hein mu di bil qawli bi ñew am solo manam moy ci digël giñ la ci wax giñ koy wax né la bako kon il faut que terme wax am ci buñ nane la bayil nangam il faut que terme wax am ci maintenant wax jojo rek sens bi lolu lu am solo la wax ci mën na baña yam mën na man na baña mën na baña yam rek ci wax gi nga xamne ci lamb na koy def lepp lo xamantene wax la rek wax la tay fim tolu bo don dawal sa auto bamu yag nga gis feu rouge bi wax la gaw na la ah bu continuer le Pourtant, amul kenn ko taxaw fi nan lay sa bu continuer mais yow le fait que nga gis feu rouge bi limi tek moy kiko programmer nena la taxawal bu continuer voilà manam motax wax obligé wul mu am fofu nak fofu le en fait au ci ter ci en fait lutax ñuy wax li lutax ñu ko wax moy point bobu dafa am solo ci ci buntu kalam ak ci buntu usul mais ci buntu kalam la uppe solo kalam rhétorique hein hein théologie voilà théologie lutax mu am ci solo moy wa sunna wa jamaa ne ash'ari maturidiye ñom dañuy japp ne wax man na nek sans cadre voix am ci niki lolu manam moy bat sans bat am sans aussi mu am lettre ay lettre yu koy signé yu koy bind yu koy leral lolou wax man na am sans lolou lolou mom motax ñom ñuy wax lu ñu tuddé al kalamun nafsi manam kaddu gi nga xamantene kaddu bakkan la manam bir la rek moy nit man na wax fekk limu wax amul benn voix bu ko exprimer niki nonu amul lamine wala amul lettre bu ko exprimer té pourtant waxna té bo xolé lolu ci sunna daf ci yag sax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam buy xolal ci hadithu abdullah ibn malik ibn buhayna radiyallahu ta'ala anhu bi muy julli way bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yu nekk ñaar sahih yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ba manam timis la doon julli ñaari rakka mu def ko da di juk manam togul taya gaay biñ ko sabale mu ne xol fa ashara bi yadihi an qum mu da di junju ak baram loxom bi ne juk len xam nga fim tolu le fait que ñom ñu comprendre ne daf ni len juk len te wax du fo wax lo daer langage des signes ba par amul lettre tam bu koy woné langage des signes non la mel voilà sumay dawal sama auto dem ci kanam am ko xamantene dama ko gis ci kanam mu am feuy ci ginnaw feuy auto yi ci ginnaw bu xonku manam bi ci ginnaw bu droite bi xonku lolou limi tekkale manam man limay ci deg gi moy daf may wax ne ma waji ci bir pourtant waxul dara de mais mom ci bopam ci biram la langage bi ñewé mu daal di beus bouton bo xamné daf may won ci biti ne ma gis nga ko koku day wote wa da wala muy tass da wala ha soit wa wala mu nek mariage wa muy wala mbektim wa yi ben rac mais comme ya gout dañu supposé ni daal wote wala muy tass parce que bu ron mariage da ngay pim mom bu deg ci kanam voilà mais li exemple la mais li sax amna voix mais exemple bi mo lo jox legui ni kokou du voix amul voix waji di beus bouton bi rek mu dadi beus ki bu xonk bi ci ginnaw detras bi voilà ci ginnaw mais à droite moy wone ni man damay waji jar à droite clignotant bi voilà muy clignoté ci ginnaw moy ne ne ah say ma ngi waji jar de yow mi ci sama ginnaw bayil xel ne ma ngi waji jar lolu lama wax té pourtant gennewul voix bin amul ay lettre ñu ko exprimer mais c'est une expression wax la langage la quand même parole la bu mu genné wax ko ak man mais parole bobu ci biram la nek même ki nek ci bir auto bi sax mën na baña gis lool ki nek ci bir auto bi sax mën na baña gis ne manam waaji nek ci kanam kat mi ngi wax ak benen chauffeur bi nek ci ginnaw voilà ok donc lolou nak bo gisse mo ne da fekk nek wax kaddu amul obligé wul mu am ay voix mu am ay lettre lolou lañ wax ak kalam an nafsi cependant lolou ñi nga xamne ñom ñoy mujassima yi ñom lolou dañ koy bañ ñom dañ koy bañ bañ biñu bañ kaddu gogou moy comme wahhabid yi et cetera hein bañ biñu bañ lolou daf leena yo motax munuñu bon duñu dugg ci affaireu kalam mais ala kulli hal daf leena yobbu dal ci ay erreur d'appréciation yu bari ci walu usul déjà ci walu xam ok kalam manam ci walu théologie ak ci walu usul mais lay kon ñu déllu ci li nga xamantene mom moy kon téré moy sakku gi ñi sakku kon hein nga bayyi jëf mais ci wax la donc wax ji mën na nek façon bu nek mais ala jihatul isti'la il faut mu nek ci walu yegëdiku ci lay mëna nek téré ndax téré ba fu annahyu ci lugha manam ci lak arab manam étymologiquement baat bi al man'u lay tek moy khadj privation voilà la privation annahyu l'interdiction étymologiquement privation la lool mom mot xel ñuko tuddé annuha ci alquran inna fi dhalika la ibratan li ulinnuha voilà li dé am xel am njangat la pour ñi nga xamantene ñom ñoy walu am njangatal yi ci pour ñi nga xamantene ñom ñoy borom xel yi ndax annuha lutax parce que xel day téré borom ci muy def lo xamantene dafa jagaade baxu lolo tax xel ñu ko tud lolo mu ñu ko tudé xel té terme bobu mbolem baat yi ko arab utiliser xel ci lolo lay tek xel ci lolo lay jëme bo xolé xel mo bi gëna app bi gëna ciégi xel nga xamne moy bi gëna gaaw moy aqlu al aqlu moy xel wa la raison l'intellect mais al aqlu aqala moy tak na yewna yew xam nga xel tamit non lay def xel day yew borom ba tax hein du waji du dem ci yo xam nga dafa jagal wa lolou moko wuté animo yi am motax ñuy wax né animo yi instinct lañ am et que amuñu intellect et que même bu fekkante ni dañu japp né am nañ intellect sax dafa touti parce que ñom amuñu xel mu leen di téré motax dof lool la dof amul lu koy yew diko téyé manam dina réfléchir dina xalat dina ki mais amul ci biir xel mi lu koy yew diko téyé pour bu naré de manam bu réflexion poussé ba nara dem nak fo xamné jaadul lolou téyé ko niko non par contre li jaadul non arrête manam lolou amul dof lolou la amul mais motax ngi gis dof day wax yu djub yu jaadul lañ mu wax yo xamné dafa jaadul wala mu def yo xamné tane def djuf nit deug la mais aussi benen côté bi la amul mom manam nit ki ko côté bobu mom ak nit ñu normal ñoo ci mais benen côté bi nga xamantene mo nit ñu normal yamuñu ci moy nit ku normal bu ko xelam yobbo ci mu wara wax wala mu def lo xamantene day gañé wala jaadout wala dafa jagaade wala li kat ah circonstance kat adapté wul pour mu man fe wax li wala li kat boko fi waxé problème lay indi wala yoy manam xel mi mo nan ko ya sa arrête na voilà mo koy tek mo koy yew mais alors que dof amul lolu voilà alors que dof amul lolu kon doy bay ñu wax lo xal ni na al jununu fununu lo tax ñu wax lo al jununu fununu dof yi ay fan la ay domaine la yu bari façon dof yi voilà kon premier bi moy aqlu leg leg tamit da ngay gis arab day wax xel da ko tek ak hijru comme inna fi zalika nana hal fi zalika qasamun li fi hijr moy xel voilà manam borom xel hijr lutax ñu tudé ko hijr moy luy amna terme bi nga utiliser sax teunk luy teunk motax al hujra appartement wala nek da ci al hujra ndax lan ndax dafa teunk dafa encercler dara té teunk hijr hein comme buñ né al a dé al hijru tamit dañ koy wax comme liñ ko gissoon ci hadith bi mu muju passé hadith bu ñu mujjé jàba nga xamantene gaay dañ leen defal man wax njirim dañ koy tahjir manam e que hijr mu ne li ay tamul li abu kan mako xon abu talha biñ doon wax radhiyallahu mo ne li ay tamul fi hijri dama am ay njirim yo xamantene ci sama ki ray lañ ne manam ma leen teunk c'est que man lañu jox sama tutel lañu ne voilà fuma tutel voilà donc lolu moy xidir moy lu ko am dañ koy teunk day am lu koy encercler lu koy teunk ko ci dara xel dañ ko tuddé lool lool tax xel ñu tuddé ko xéñal ndax xel day teunk borom manam xel du bayyi mukk borom ubbe ko non rek luko neex wax luko neex def deul da koy teunk ni ko ah li nga am droit wax li nga am droit def fi nga ci mëna yam mëno ci wésu fi voilà wa yoyep dafa dafa ñu ko am rek ko fa bu wa mais lool yep nak après li tax dafa lu ko mëna wax wax mais lool dañu xalaté benen façon dañu xalaté am ñaari côté lu ñu tuddé aqlu tamyiz ak aqlu irshad motax mu am xel xel mu am ñaari côté yoy dafa am xel mi nga xamantene day tax ngay mëna xamé di ragné manam moy comme tay par exemple suma ma xamné ah fi kat bu mo fi jaré auto bi daf may mbëk voilà comme autour mo mu gis moy gis gaay buñu jallé ki gëna yag en moyenne ci autour nit ki bu fa nekké 6 secondes la fay def en moyenne parce que auto yi dañ koy fil ma xamné li ngay wour bu ko défé ma mëna xam ni tamit fi gaynde gaynde ngi né di ñew té bu mo féké du baax ci man ma xol nan lay wax fexé le plus rapidement possible ma recc voilà hein ma ngi ni dama xif xif instant bi ni yek buma nekul damay de ma xol numay gaawé dem xol numay dajalé li ci frigo bi xol numakoy lekk bala ma dé manam lool moy aklu tam yiss dama mar nan ma ngi ni sama yaram mi ngi nan ma da nga fokh nga nan parce que daf ko soxla ma dadi jël ci ndox mi nan dafa tang ma xamni li dafa tang ma xamni li buma ci tege sama loxo daf may day lak sama loxo ma bañ ci tek sama teggi et cetera lolou moy aklu tamyiz lolou day tax may mana xamé xamné li kat li mom li la mais mu am benen bir bobu mom souvent ñepp ko am lolou mom motax côté bobu nit ñi ak animaux yi wuté wuñ ci côté bobu nit ñi ak animaux yi wuté wuñ ci wala seen wuté dafa touti seen différence bari wu sama ko animal bi mom solo ni ni dundé rek lay xol numuy def ba man cey jariñam au contrairement ak ki nga xamantene moy nit ki nga xamne mom amul xel té motax alquran di saxal ni yéfir bi amul xel xam nga pourtant day saxal ni yéfir bi amna xam xam da koy saxal innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ñom xamnañ comme ni nga xamantene ñom non lañu xamé sen xaméwé sen doom yi niñu xamé sen doom yi lañu xamé yéne bi sallallahu alayhi wasallam moy comme yahudi ak yenen yu watani manam yéfer dana xam ak ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati mughafilun ñom da xamnañu niñu xam seen xam xam ñoom yéféri mi ngi yam ci la le côté apparent li feñ ci walu aduna mais li nga xamne moy walu al-akhirah mom dañ ko riri dañ ko sangalé complètement kon saxal na ni yéféri da nañ am xam xam mais ba ko andak da fay wax ni yéféri amuñu xel amna différence entre ko am xam xam ak ko am xel mais xel mi mu dakk ci yéféri du xel mi nga xamantene mom lañ do sank moy aklu tamyiz parce que lool mom mo leen permettre xel xel mu ñëk mi mo min doon tudd bo bele manam bi sank bima neena depuis bima neena ñaari façon xel am xel mu ñëk mom lool mo leen permettre ñuy mëna xam lepp lo xamne dafa aju ci xam xam les sciences profanes yi ñi wax luñ tax ñu mën ko xam xel mom wax so leen expliquer nelen a plus b égal c ñu xamné a plus b égal c ñu mën ko japp tak ko xam ko bu benen yone ñu mën la ko reproduire atam so len woné ni ñi brancher lampe ñu mën ko brancher wat suba so len woné et cetera manam parce que xel mom lañ am mëna ragné mëna xamé yémi mais xel mi ñu amul moy aqlu irshad bobu mom la alquran bi dakk ni yefir amuko té man ko am ma daaba mi ngi ci bir kéfir bobu xel lay dakk mais dakul benen bi ci def lolou la ñu bëru mo lahum qulubun la yafqahuna biha wa hum wala la yaqiluna biha wala hum wala zalika bi annahum qawmun la yaqiluna zalika min qawmin la yafqahuna ha et cetera yoy alquran di wax yep nan yefiri duñu xalat ay ha yoyu muy wax yep bam nan ulaika kal an'am bal hum adallu sabila ñom ñok njaay all yi ñoyam no jurgi ha ne yi yeri daf len mel na ñoo jurgi ñoyam wala qad zaratna li jahannama katiran min al-insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal adall ulaika humul ghafilun sawara dan ko wajal te dan ko yubbu ñu bare ci jinn yi ñi lu waral lolu parce que ñom dañu am ay adanu lum adanu la yasma'una biha dañu am ay nopp yo xamne duñ ci déggé walum a'yunun la yubsiruna biha dañu am ay bëtt yo xamne tane duñ ci gissé walum qulubun la yaqawna biha dañu am ay xol yo xamne duñ ci comprendre dara duñ ci xamé parce que amuñu xel mune ulaika yoy gay kal an'ami ñok jurgé yam kem jurgi ula bal adal balum adal ñooñu sax ñoo yees ñoo gëna sanku jurgi ula ibnul ghafiluna ñooñu ñoy ñi yegëri ñi moy dañu distrew insouciant négligent mais bi mu ne am nañu nopp buñ dul déggé ak bëtt yuñ dul gissé tekki wul ne duñu dégg duñu giss mais limi tekki moy giss ak dégg gi ñi giss ak xol bi ñu am bi ci réfléchir xel mi ñu yor lolu dafa am ben parti dafa am manam luñ ciy meuna gisse ak luñ ci dul gisse man nañ ciy gis li nga xamantene moy li apparent yépp moy ragné ko yi ñuy wax nga xamné ñok jurgi ñoko nurolé jurgi bu gisse gayndé da nga xamné né gayndé la té bu ma fi féké du bax ci man mu commencé daw wala mu xol lu muy laqko bu dawé ni bu auto narko fiir mu taxaw wala mu déllu wat ginnaw bu gisé ngogn xamni li ngogn la bu ko lekké dana ki mu lek parfois ci bir ngogni sax day xam ban ak ban lay wara tan pour nectar mi neex pour mën ko bolé et cetera yoy jur gi dañ koy xamé mais jur gi lim mën ta xam lim mën moy mëna téggu ci yoon bi manam jour gi ci lool rek la yam manam lool nak nit ñi amna ci nit ñi wax na ci lool la ñam et que en version évoluée rek lañ ko amé am nañ ko mais en version évoluée c'est-à-dire que so leen waxé né len so leen indi né procédé scientifique bi kat li ak li ak li dañ ko mëna calculer dañ ko mëna mat mokal dañ ko mëna xamé dañ ko mëna bind dañ ko mëna tak dañ ko mëna rañé parce que en fait version évoluée bu ñëk bi mais xel mi ñu amul nak xel mi ñu am moy xel mi nga xamantene bobu nak mom mo gëna kawé encore moy aqlu irshad moy xel mi tax nga mëna téggu ci yoon bu baax moy ngay mëna ragné digënté dëgg ak tiaxan digënté lu baax ak lu bon voilà digënté li neex yalla ak liko neexul digënté li nga xamantene mo lay jariñ sa digënté ak sa borom ak li nga xamné mo la ci lo xel mi nga xamantene mo lay mëna tax nga mëna xamné li kat jaadu na te li jaadul lolu tax yéfé bi mom mënta comprendre gis nga amna yu bëri yo xamantene ñun dañ koy wax wala dañ koy ki mu évident ci ñun yéfé bi mom mënu ko comprendre han waxal fi bu suba mënu ko comprendre boko waxé né ko en quoi le jigen ji nga xamantene dafa muru kessé lan la lay gêné mom dana nono mais manam mënta comprendre pourquoi bu xasse ba japp idée bobu du meuna comprendre yow pourquoi nga koko wax manam mom pour mom da nga warona manam lolou dafa contraire dal ak république ak laïcité manam non man ta and dal manam yow bo nan ko non mais génie wul pourtant diful kenn dara non si mënul né c'est que manam mom parce que lutax parce que xel mi ci bokkum mo fi newut ko kasté quoi voilà manam mom xel mom la amut amin amin manam xel mom am ko mom bokul nak ak xel mi nga xamantene moy benen bi ñew benen bi ci dess bi nga xamne mom moy bi gëna ko mom soko wax nak waa manam soko wax manay alaf yo xaar alaf moy xam dina ci ñaar yo tamé jëb sa bék xam ko pañi xam ni ci moy ci dangal ci yu tégg la ci yoonu juk quoi mais nga ci doot xamé ragné jëm jikko yu bax yi baye jikko yu bañ ko parce que amna ñoo xamé dinañ dibb ci kër ju leen dé seen papa ba sa ñay ba mais ñu dañu dëng ko waa mais contrôle tamit amna voilà donc voilà c'est à dire que kon liñ ci djublu won moy ni xel momu manam ñaari xel yoyu ñu am voilà ñaari xel yoyu ñu am moy xel bi nga xamne dang koy ragné day ragné mbir yenn yi ak xel mi nga xamne moy tax nit ki mëna téggu ci djub ak mëna xamne li bax ak li bon na wala ñoom nak xel mom lañu mën ta amna légui kon annaha de nga kon nahyu fofu la jugge manam moy annaha bi tekim xel de nga no wala kon ñoom ñaan ñing leen di téré an loxo mi ci ndawal mais est-ce que il y a un on dirait une interdiction qui n'est pas vraiment une interdiction. Voilà, voilà. Voilà, donc on va s'attarder sur ce point. Inch'Allah. Batu Naha, kon, dafa am, comme Amru, dafa am sira. Moi, boule def. Mais, l'une des connes à la djihadu isti'alala, manam, moi, tu vois l'eau, yikitiko. Manam, qui l'est terre, pour terre là, il faut. Voilà, il faut que je sois supérieur. Qui n'est supérieur, il faut que je sois supérieur. Si vous faites que vous êtes supérieur, vous êtes supérieur. Si vous avez dit que vous êtes supérieur, vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes supérieur. Vous êtes suggestion. Voilà, suggestion. Voilà, voilà, ramu, non, intercession, suggestion, voilà, intercession. Voilà, kouinit kouinit moudour d'homme, mon arco beaucoup d'eau. Voilà, voilà, beaucoup d'hommes de la Sara, mon arco grand quoi, beaucoup d'eau, ouais. Beaucoup d'eau, bon, texte le boulet d'amalater en d'orco. Mais limite, texte le rec moi, d'amassac couchéo, gaban coudour. Voilà lolou mom moy kon lolou ultimace dañ koy wax wala shafa manam suggestion wala intercession wala ram benen bi ci dess mom moy su fekente na yow koku mom moko fete kaw ki téré manam ki téré ki wax ne bul def nangam kimi koy wax koko ko fete souf manam koko ko fete kaw bok kimi koy wax moko fete kaw koku du'a ou lañ ko wax ñaan voilà voilà ñaan lay tek voilà so demé ci procureur wala ci ki hein comme ni gaay li def bu ben way bon lolu peut-être fi dana compliqué mais KMR mom bari dafa manam ben way day def tete ñu dem ci gendarmerie wala procureur wala juge bi ne ko away bul ko condamné way manam ki manam koku xétuk moy dama lay ñaan nga bañ ko condamné lolou lay tek manam way bul ko tejj way bul ko tek pen way non ka le terme yanha c'est à dire il interdit l'interdiction n'est applicable que si et seulement si celui qui demande le fait ça dire celui qui demande de laisser celui qui demande de laisser est inférieur à celui qu'il demande. Mais la question, c'était pas tout à fait. Non, est supérieur à celui qu'il demande. Hein? D'accord. la question c'est pas tout à fait ça, c'est de savoir si le mot yamra, ouais. je veux trouver dans une phrase en arabe, ouais. mais dans cette phrase là, ouais. il veut dire conseil ou suggestion. Non. Voilà, donc ça veut dire que pour un. Le, ça, ça signifie c'est interdire. C'est un mot que j'utilise. C'est un mot qui signifie interdire. Naha, ça, en fait, yanha, c'est le verbe conjugué au présent continu. Moi yanha. Non, mais quand tu donnes différents sens, a... non, c'est pas, non, j'ai pas dit le différents sens. J'ai dit la forme utilisée pour exprimer cette interdiction. La forme utilisée pour exprimer cette interdiction. Par exemple, en disant, par exemple, ne fais pas ceci. Cette forme-là, ne fais pas telle chose, hein? Peut signifier une interdiction, mais peut signifier une intercession, ou bien une suggestion, mais peut signifier également une invocation. Par exemple, quand je dis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, ne nous fais pas entrer au paradis, en enfer. Ne nous fais pas entrer en enfer. Ah, par exemple, hein? Oh Allah, ne nous fais pas entrer en affaire, ou bien ne nous châtie pas, ou bien ne nous dévie pas après nous avoir guidé. Ça, par exemple, cette forme-là, cette forme verbale-là, ne fais pas ceci, exprime une invocation dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que nous sommes inférieurs à Allah, subhanahu wa ta'ala, à qui on demande cette chose-là, c'est-à-dire à qui on adresse. Cette interlocution. Ça, j'ai compris, mais moi, ce que je veux savoir... Non, mais c'est que toi, tu veux savoir. Est-ce que le mot naha, c'est ce que je te dis? Parce que je veux savoir, c'est si je vois un hadith, par exemple. Où il y a le mot yanha, non, ça signifie. Non, le terme yanha signifie interdit. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant. Okay. Voilà. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il faut écouter ce que je veux dire. Il faut bien écouter. Ce que je dis, c'est que le mot yanha. Yanha signifie il interdit. C'est-à-dire il interdit. C'est-à-dire mais c'est le verbe conjugué au présent continu. Yanha. Et quand c'est naha, il a interdit, c'est ce qui est conjugué au passé. Au passé simple. Naha. Mais le terme même vient du substantif an-nahyu qui signifie l'interdiction. Maintenant, l'interdiction, c'est l'interdiction. On ne peut pas dire, c'est comme si tu me dis en français, est-ce que le mot interdiction, interdire, je peux le voir quelque part ailleurs et que cela ne signifie pas interdire? Non. C'est comme tu me dis ça. Parce que c'est un mot en arabe, en fait. C'est comme si tu me dis, est-ce que le mot interdire, je peux le trouver quelque part ailleurs dans un texte en français et que cela ne signifie pas en wolof kéré? Non. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, en fait, parce que je voulais savoir si la traduction française, elle était juste... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis attardé sur cette... C'est pour ça que j'ai dit que l'étymologie du mot, nahu, c'est la privation. Tu vois? Voilà. Voilà, ban privation l'été qui quoi. Moi, t'es rien. Voilà. Maintenant, pour exprimer cette privation-là, il y a d'autres termes utilisés en arabe qui veulent dire également l'interdiction. Comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon, on va continuer. Comme par exemple, Borom subhanahu wa ta'ala dit, fajtanibu rijsa min al awsan wajtanibu qawla zur mune na ngeen moytu niko na ngeen sori eloignez-vous de voilà c'est le mot là eloignez-vous c'est une interdiction sori len nangam hein wala kufan moy bayil nangam arrête telle chose. Lolu aussi c'est une forme d'interdiction. Pourtant, c'est un terme utilisé, bo xolé terme bob. Da nga gis né c'est utilisé sous une forme de commandement. Mais qui en réalité est une interdiction? Bayil xol mota alcorane bu né fajtanibuhu fajtanibuhu fan la ko waxe non non ha voilà sangara ak jeu de hasard le fajtanibuhu moy tandiku len ko eloignez-vous de ça ak wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa na ngeen tet len tet eloignez-vous et abstenez-vous voilà fitna de fitna fitna d'une fitna fitna bo xamantene bu ñewé du dal ñi togn kessé voilà ça ce sont des termes yo xamantene pourtant nekul sous une forme grammaticale de ne fait pas ceci c'est-à-dire que la tafal nekul ci forme bobu mais day exprimer également une interdiction comme outrup délaisse abandonne bayil délaisse abandonne pourtant c'est une voilà yoy verbe lañ yo xamantene en fait tous ces genres de verbes là yi nga xamantene ñoom ñep dañu am sensu négation yoy dañuy manam leen day meun leen di utiliser pour ñu exprimer une interdiction aussi voilà éloignez-vous éloigne-toi le verbe abstenir abstiens-toi hein arrête délaisse abandonne yoy même boudé dañ koy utiliser mu nek un ordre en réalité dafa yor sensu interdiction voilà lolou monom mom lañ ci djiblu voilà kon mais meun nañ am sens yo xamantene tay meun nañ utiliser bayil fek normalement dafa manam liñ ci djiblu moy dal haram lol d'ailleurs ça c'est le sens premier d'une interdiction manam téré fuñ ko waxe sens premier bi moy dal haram voilà comme la tushriku bihi shay'an bu len bokalé ak yalla dara lol moy dal haram bokalé la taqtulun nafsa bu len ray bakkar allati harrama allah ba nga xamne yalla dako ormal illa bi haqq lulul mu teggu ci ak ci deug wa lolu moy ray nit da haram voilà et pourtant voilà donc ce terme là ki yo xamne bul len def nangam lolu haram mais leg leg mu baña tekki lu haram leg leg ñu téré dara fekk limi tekki rek mom moy hein moy dañ ko sip moy su amé lenen lo xamantene moy ñew di waré né non li di condition mi li def né rek hein moy li dañ ko sip wala tan sawul fadla baynako bu len faté ngeene li dox sen digënté moy dañu sip nit ki bañ ko nit ki faté ngeene li yoy dox ci digënté manam ñaari couple yi bu ñu takali ko yé manam ñu faté ngeene lool koku dañ ko sip hmm lay lay ñu tan fek ñu wax bu def nangam fek liñ ci djublu moy dañ lay gindi orientation la tasalu an shay'in in tudalakum tasukum voilà bu len poser question yo xamantene suñ len leralé réalité mbir bi affaire bi da len di nakari lool moy dañ lay orienter c'est une orientation ce n'est pas une interdiction mais c'est une voilà forme d'interdiction mais qui signifie voilà mais parfois aussi ça signifie ordre aussi voilà comme tay buñ né la la tafal shay'an yawm tay mom bu def dara togal rek deug bu def dara hein wala ngeen la ngeen sa dom jox wala demal mu boutique bo nga def ni nangam nga gis ko muy fokh deful dara demul nga ne ko modou muna nga bul dem deug bul dem bul dem boutique bul dem ha menace la wala lolou menace la tahdid la parce que gisone nañ ci exemple ki exemple bi ci amru moy biñ nan if'alu ma shi'tum def len lu len neex wa li arana def len lu len neex man ma ngi len di indi ma tamuna basir li ngeen def yi ma ngoy gis def lu len neex manam c'est à dire moy bu len def lu len neex menace hein les mecs ñu utiliser terme bo fek liñ ci djublu moy moy dalal sa xel dalal sa xel comme fi borom xarata do xayent yalla Musa alayhi salam ak yent yalla la takhafa wala wala ah la takhafa wala amna ko la takhaf ya la takhaf tamit yent yalla Musa alayhi salam manam bul ragal bu non ragal aw ana wala ah wala la takhafu wala tahzanu bu len ragal te bu len am tis bu len am tristesse aussi in wala takhafu wala tahzanu inni ma'akum ndax man yalla ma ngi and ak yeen ñaar xam nga lool moy bu len ragal bu len ki interdire la dara mais day dalal sa xel lay tek baat bobu ça dit que ce n'est pas que dafa haram nga ragal wala nga ki dedet mais c'est dans que da nga la fek nga nek ci situation wax war nga meuna tit war nga meuna am tristesse war nga meuna jaxla meuna la non yalla bu ragal bu jaxla bu ragal bu jaxla donc sens bobu moy dalal sa xel sens bobu la am voilà donc ay formula manam kon expression du intérêt manam expression bi limi tekki ci contexte bi mo koy woné mais fi sayyidna abou talha radiyallahu anhu bu ñëwé né yalla yéne bi sallama téré nañ leen koku nak dañuy daari xamné expression bi limi tekki moy dafa haram bon li ci ginnaw dina ko firndel mais contexte bi moy woné né li dafa haram lay tekki et que parce en principe aussi dafa haram lay tekki mais fi dafa am ben affaire bu ci gi moy le fait que mune yalla ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam ñom ñaar ñi ngi len di téré expression bobu and ak ne yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam dafa am ben way bu doon wax ne man yuti allah wa rasuluhu faqad rashad wa man ya'sihima faqad ghawa ci hadith bu nek sahih imam muslim ali ibn hatim radiyallahu ta'ala moko netal mune waji khatib la khatib moy un locuteur kuy wax ñew delegation la ñu ñew ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu di len koku jël cadeau gi di len waxal sen cadeau bi ñuy wax waji dañ na kep ku top yalla ak yaronteam bi day sallallahu alayhi wasallam koku de teguna ci yoon bu jup waye kulen moy ñom ñaar hein koku nak ndia koku sankuna kulen moy sankuna yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne bi sal khatibu anta yow dal ya aka nga yow ya doy war bilep khutba kat manam kene do nekulo un bon quel mauvais locuteur tu es voilà moy muno wax ne waxal qul wa man ya'sillaha wa rasuluhu faqad ghawa kep ko waxal ne ku moy yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam koku sankuna manam au lieu nga wax ne kulen moy ñom ñaar sankuna mais waxal ku moy yalla manam tekantal comme fi ni nga ne ku top yalla ak yenenbi djugna bul wax ne kulen moy sankuna de waxal ku moy yalla ak yenente bi sankuna legui nak te alors que fi ci hadith bi yenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax sayyidna abou talha dan la wax ne yalla ak yenente bi ñi ngi len di téré waxul ne yalla téré len yenente bi téré len waxul lool yalla ak yenente bi ñi ngi len di téré lool nak borox wax may rahmatullah alayhi dañuy motax wax joju da len interpeller ñuy xol lan mo waral loolu mana nek fi ba pare man da nek fe manam lutax ñu mëna dajale pronom yoy ñaari pronom yi fenn ba pare manu ñu leena dajale fenen wax gi nga xamantene mom moy wax du ñëk ji moy wax ñom imam an-nawawi wa rahmatullah alayhi imam an-nawawi rahmahullah mom dafa ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bo gisee mo wax ci bi mi sax sahih imam muslim rahmahullah parce que hadith bobu mi sax imam muslim رحمه الله كم سنة حدث بي تمت مشار حدث صح صح إمام مسلم رحمه الله هذا كني ينتي صلى الله عليه وسلم بوكي سي موتيري لولو سي بارسكو مانام دافا غيس ني ام كوتي بو مانام خطبه لا وون خطبه نا دا فاي سوخلا لي تي غنا ييل موي تيخانتال غنا ليرال لو باتي دي غنا لير دي غنا بري موي گن مي كانتا سو فكنتني كوم نيغا خامتني موم لا دون واخ في تي حديث بي بي ني nga xamantene daf la bëgg wax ben acte bo wara japp ligi tak ko xam ko bu boba lu mu gëna teunku gëna leer moy gëna jup manam kon ñaari parti yoyu duñu ben ce qui fait que lool mom motax manam mu ne ke en tant que khatib en tant que kuy khutba manam di discours wa di def ben discours yow da nga ni nga discourser baxu alors que fini daf doon woné ben acte bu mu doon joxé acte bobu nak bu ko tak tak teunké bu ko défé ñu mëna xamné li moy acte li lay tek num gëna gatt mo gën lool mom imam an-nawawi rahmahullah lolo imam al-baydawi rahmahullah mom dafa gis lenen sa waxam joju wax di mëna bayyi xel la ndax dafa ni fofu yeen bi sallallahu alayhi wasallam daf doon woné né daf doon woné né ku comme fini suñu hadith bi dafa wone ni yalla limu diglé ak yeen bi sallallahu alayhi wasallam limu diglé ben la motax bu ne inna allah laka yalla wa rasuluhu ak ndaw bi sallam yeen hayanikum ñong leen di téré c'est à dire que yalla dongu ak térem wala yeen bi sallallahu alayhi wasallam dongu taxaw téré ci ak téré ñoyam kep manam tay bo gisé ci alquran ben wax buy téré dara ak nga gis ko ci wax yeen bi sallallahu alayhi wasallam ben la parce que so xolé et que waxu yentou sa sama waxu lu yentou bi téré rek c'est parce que yalla daganal engagé na lool manam yalla wéel na lool motax nga gis fuñuy xarabalé mbassalam fi yap mbam seuf amul ci alcorane amu ci té pourtant yentou sa sama moko wax wax joju wax dafa mok waxu yalla ñoyam kep lool mo motax erreur bu graw la nit nan la wax ji ndax alcorane ci alcorane la né wala ab hadith la parce que mudé Allah ak mu nek hadith ben la hadith bi bu wéré rek ben la donc fofu lool la yo et que maintenant niki nonou ki nga xamantene dafa moy Yalla motax mu ne tekkan le fait que mu ne nañ tekkanta lolou dafa bata baye xel lutax manam mu ne parce que ki moy Yalla bu ne ki moy Yalla ak yent bi dafa jadd manam c'est comme si il faut nga moyé do len ñom ñaar do nga nek ku sanko alors que deux ku moy yalla kesse da nga sanku yeen ci sa salama kesse ku ko moy da nga sanku motax mu ne dede tekantala waxal ne ku moy yalla ak yenen tambe da nga sanku ndax ñom ñaar kep ku len moy kenn ku ne ci ñom ñaar sanku nga lol lay tek mu am ñeneen ku melni al imam al azz ibn abd salam rahmahu allah ak imam as-suyuti en fait dako don netal dako netali imam al-qurtubi rahmahu allah mom tamit bimi sharh hadith daf ko dundina lu ni mel waxna wax diko nuru moy ne mbir mi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko jago manam mom mo sañne dajale len ñom ñaar ne yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam dajalo len ci ben point wa né alors que kon suko nexé mu dajalé len suko nexé mu téxalé len té que téxalé len mom moy ciossam mais boudé yéne tib sallallahu alayhi wasallam mom bu ko waxé mënul am possible parce que mënul am possibilité mu yamalé bopam ak yalla alors que ñeneen ñi ci dess lolu worul ci seeni mbir motax nga gis wax joju non day dem tamit ci képp ko xamantene yow say wax manam yow xam nga différence bu mat seuk ci côté bobu et que lolu wourul matul won complètement ci khatib bi ki nga xam de mom mo doon khutba bobu wax tamit matna baye xel mais dafa am nuñ koy kiwé manam côté buñ ko wara léralé moy dañuy nañu gis dañu wara gis né motax wax bi ñom imam al-baydawi wa rahmatullah alayhi wax joju wax du mata baye xel parce que fofu yalla dafa def manam fini bo xolé feul farq la def fi jangou la fe dafa tekkale yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam en tant que entité une différente mais yu rejoindre fi ni par exemple ño xamantene en fait voilà c'est à dire que motax waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy waxu yalla mais que waxu yalla nek na ni wax yenen sa sallam nek na ni ñu nek ñaar yu ñu mëna distinguer en tant que wax comme hadith ak alcorane ñu mëna leen distinguer mais que sen valeur ben la comme fini comme fini nga xamantene yalla bu yenen sa sallam bu téré mok yalla téré ben la wala kon ñom lañ lañ la di téré yalla yanikum an luhumi ci ndawalu yapu alhumur mbam al ahliyati ko ñu keri mbam sofi dañ koy wax alhumur am motax ci yenen hadith alhumurul insiya manam mbam yi nga xamne dañu domestique moy insiya dañu domestique parce que amna benen mbam bu ñu wax al himarul wahshi moy mbam al amna mbam moy lan mbam bi nga xamne dafa sauvage ak mbam bi nga xamne dafa domestique mais amna bude ñun wolof amna benen mbam moy mbam khuux mais ci arab duñ wax mbam khuux ñom ñom duñu amul en fait arab amul baatu mbam khuux ñom duñ wax mbam khuux ñom lan lañ wax khinzir rek khinzir rek lañ wax alors que bude ñun wolof ñun dañ koy wax mbam khuux mais bobu en fait do manam buñ waxe mbam bobu taxul ñu wax mais bon mais souvent dañu wax yap mbam nangam voilà mais souvent ñu liñu gëna xam sax moy mbam seuf bi ak mbam xux ñun loolu lañ xam gëna xam mbam all da naka xamuñ ko mbam kon mais moy yap mbam all mom dagal na mais yap mbam seuf mom mo haram mais loolu dinañ ko gëna gis inshallah taala bu ñëk ci masala yi donc mais motax fa innaha rijsun munafa innaha lol moy fa gingo lol talil yala man day wax ana lan motax mu nek lu haram lutax ñu téré ko mu ne parce que sobelen fa innaha rijsun sobelen lol mo motax mu ne sobela mu ne ci benen riwaya hadith bi comme niñ ko gisee mu nek sahih imam muslim min amali shaytan ci jëf shaytan ay la bok ci def setan comme ni waxe mbam limu waxe ci sangara voilà kon lool mom motax ñu téré ko mais lool tam dinañ ci ñew ci bu ñex ci masala yi nek ci hadith bi mu ne hadith bi muttafaqun alayhi moy lan imam bukhari ak imam muslim solo muttafaqun alayhi dañ koy wax tamit lan dañ koy manam amna benen wax bu ñuy wax pour exprimer muttafaqun alayhi moy lan Voilà. Rawahu. Hein? Rawahu. Cheikhan. Ñaari serigne. Moy ñaari serigne yu makki ci hadith. Moy Imam Bukhari Imam Muslim. Hadrana. Dañuy wax tamit al hadith fi hein fi sahihayn wala ci ñaari sahih lool yep limi tek moy imam bukhari imam muslim ñok solo ci ñaari hadith sahih mais baat muttafaqun alayhi lañ ko wara mais nak amna leg leg ko xamantene mom bu waxe muttafaqun alayhi dublu wu ci lool ko ko kan la al madd ibn taymiyah mom lan lay wax mom bu jappe bu ne muttafaqun alayhi lu mu ci dublu wala imam ahmad la ci dolle wala imam ahmad la ci dolle manam imam bukhari imam muslim ak imam ahmad mom buñ solo ben hadith en même temps lolou lay tuddé muttafaqna alayhi wala lolou tamit gisul nañ ko yi yep gisul nañ ko wala motax mom mu ki ko en question wala legui kon lolou mom moy hadith bi wala alhamdullilah kon hadith bi ndeuk bi jeex na jotaay bi di ñew ci benen hadith bi li ñi dugg inshallah taala wala kon ñu julli jonne après ñu wëssu inshallah wallahu taala alhamdulillah ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in